Bonjour à toutes et à tous, je suis Ina, conseillère en images, persuadée que nos vêtements sont le reflet de notre personnalité. Bienvenue dans l'émission « Le passé habille le présent ». Retrouvez-moi régulièrement sur Radioactive pour explorer ensemble l'histoire de la mode à travers les époques. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant et mystique des couturiers. Vincent, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu connais quelqu'un de ton entourage qui croit aux voyants, tarot, horoscope? Alors, pas du tout. Je dois avouer que qu'il s'agisse de moi-même ou de mon entourage, je ne connais personne, mais je trouve ça quand même, il y a un côté mystique très intéressant. Et voilà, je me suis justement intéressée à cette question. Et pourquoi ? La semaine dernière, j'étais dans un train et malgré moi, j'ai entendu la conversation de deux jeunes femmes. Elles parlaient de tarot, d'horoscope et d'objets fétiches. Et là, une question m'est venue. Est-ce que les grands couturiers avaient eux aussi leurs croyances, leurs rituels, leurs objets porte-bonheur? Alors, j'ai mené ma petite enquête et aujourd'hui, je vous invite à découvrir le côté caché des couturiers. Alors, je vais commencer par Coco Chanel. J'ai déjà parlé d'elle à une autre émission et de voilà, quelques croyances ponctuelles. Et là, j'ai envie de développer un petit peu plus. Coco Chanel disait « Je crois à la quatrième dimension et même à une cinquième. » Pour elle, rien n'arrivait par hasard. Tout avait un sens, un symbole, un petit clin d'œil du destin. Coco Chanel a révolutionné la mode du XXe siècle, mais derrière le génie du style, il avait une femme attachée à ses souvenirs, à ses racines et à quelques porte-bonheur qu'elle glissait dans sa vie comme dans ses créations. Prenons d'abord le double C, entrelacé, devenu mondialement célèbre. Ce n'est pas juste l'union de Coco et de Chanel. Ce monogramme aurait été inspiré des vitraux de l'abbaye de Basine où la petite Gabrielle Chanel a grandi, orpheline. Un lieu austère, mais qu'elle transforme plus tard en source d'élégance. Et puis, selon la légende, ces deux C entrelacés seraient aussi un hommage discret à Boy Capel, l'amour de sa vie, mort tragiquement. De ce deuil naîtra un mythe aussi, le parfum numéro 5, quand elle choisit l'échantillon numéro 5, présenté par le parfumeur Ernest Beau. Elle y voit un signe. Et le 5, c'était son chiffre porte-bonheur. Donc, elle le fera sien, fixant même ses défilés les 5 février et 5 août. Comme tu vois, Vincent, c'est quand même intéressant. C'est intéressant, rien n'est laissé au hasard et c'est assez marrant que ce soit le chiffre 5 qui soit pris. Habituellement, quand on parle de chiffres ayant certaines connotations, on peut penser au chiffre 7, très important dans certaines religions, etc. Mais là, pas du tout en fin de compte. Tout à fait. En plus, j'ai fait ma petite recherche sur ce chiffre-là. Pourquoi ? Eh bien, je n'ai pas trouvé. Je pense que c'était un chiffre qu'elle gardait bien pour elle. Et puis, c'était l'échantillon des parfums qu'on lui proposait et le cinquième qui lui a bien plu. Et en plus, pour elle, ce parfum Chanel numéro 5 était aussi très important par rapport à l'odeur. Dans son atelier de la rue Cambon, elle faisait vaporiser ce fameux parfum sur l'escalier. Vraiment un rituel, presque une prière, on dirait. Il devait y avoir une sacrée odeur en rentrant dans l'atelier. Je pense que oui. Mais vu son caractère de Chanel, je pense que ça lui allait bien, cette odeur. Alors, un autre symbole cher à son cœur, c'est le camélia. Une fleur discrète, son parfum élégante et pur. Coco l'avait découverte dans le roman de Alexandre Dumas fils, La Dame au camélia. Et elle en fit une icône sur ses robes, ses sacs, ses bijoux. Le camélia fleurit encore aujourd'hui chez Chanel. C'est une fleur sans exubérance, comme elle, sobre, forte et inoubliable. Et ensuite vient le lion, son signe astrologique. Gabriel était né le 19 août, lion évidemment. Elle disait, comme lui, je sors mes griffes pour ne pas souffrir. Le lion devient son emblème protecteur, qu'elle collectionne en statuette et qu'elle grave sur les boutons de ses tailleurs, jusqu'à sa tombe ornée de 5 têtes de lion, jusqu'à la mort. Alors la maison Chanel l'a fait renaître régulièrement dans ses collections de joaillerie et jusque sur les podiums. Et puis, les étoiles et les comètes, bien entendu. En 1932, Coco lance sa première collection de haute joaillerie, bijoux de diamants. Elle imagine des comètes et des constellations à porter sur la peau. Encore une fois, elle s'inspire de son enfance à Aubazine, où les sols étaient couverts de croissants, de lunes et d'étoiles à 5 branches, des symboles de vœux exaucés, d'espoir et de lumière. Tout ce qu'elle voulait offrir aux femmes. Et enfin, le blé, son dernier grand talisman. Symbole de prospérité et d'abondance. Il lui rappelait son enfance modeste et la terre d'où elle venait. On en retrouve dans son appartement de la rue Cambon, en bois doré, en bouquet, sur les tables et les cheminées. Et même Salvador Dali lui en offrit même un tableau épi de blé, porte-bonheur, et tout ça c'était en 1947. Et plus tard, Karl Lagerfeld fit pousser ce blé jusque sur les podiums pour lui rendre hommage. Alors moi je pense que Coco Chanel a vraiment su transformer ses blessures en beauté. Alors en parlant de Karl Lagerfeld, c'était vraiment l'ombre et la lumière. Tu vois comme il est, je pense qu'on ne peut pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Non, ça c'est sûr. Avec son chat notamment, toujours ensemble, inséparables. C'est ça. Toujours vêtu de noir et de blanc, toujours protégé derrière ses lunettes et ses gants, il semblait garder un monde secret derrière son regard. Et ce n'était pas qu'une image. Imagine un appartement parisien rempli de livres, de croquis et d'objets rares. Mais son lit, ni canapé, eh oui, tu as bien entendu. Karl Lagerfeld vivait dans un espace où tout était dédié à la création. Des bibliothèques immenses, des meubles art déco et une ambiance de temple créatif. Il disait lui-même qu'il vivait au milieu de ses pensées. Bref, un lieu où même un café renversé aurait été un crime contre l'élégance. Il vivait vraiment sa passion à fond. Je pense que oui, hein. C'est pour ça qu'il a fait des magnifiques créations. Et comme on n'a pas parlé de Choupette, sa chatte adorée, est-ce que tu as des animaux, Vincent ? J'ai un chien, mais je pense pas par rapport à lui à l'élever au statut d'icône à ce point-là. J'imagine, j'en ai vu déjà les gens qui adorent leurs animaux, qui les appellent mon bébé, mon chéri, viens ici. Quelquefois, c'est surprenant de voir ça dans les rues. Mais là, pour Karl, sa Choupette n'était pas un simple animal de compagnie. Oh non, non. Choupette avait deux dames de compagnie, un garde du corps et Choupette mangeait dans des assiettes en argent. Elle dormait sur du linge Hermès et avait même son propre compte Instagram. Lagerfeld disait qu'elle était son âme sœur. Après sa mort, il a tout prévu pour qu'elle continue à vivre comme une princesse, un vrai chat de luxe, comme on dit. Et ses lunettes noires, c'est un accessoire ou une armure? C'était sa marque de fabrique. Lagerfeld disait qui lui permettait de voir sans être vu. Une façon de garder une part de mystère, de protéger ses yeux sensibles et de rester élégant en toutes circonstances. Et ses gants blancs, toujours impeccables, pour éviter les traces sur les tissus et garder une distance stylée. Bref, un look qui le rendait reconnaissable entre mille. D'ailleurs, il y a eu une légende. Quand il était enfant, il a reçu des remarques de la part de sa mère sur ses mains. Et apparemment, c'est pour ça qu'il cachait ses mains. Ça lui laissait des traces dans son... à cause de ce passé. Et peut-être c'est ça, peut-être pas. C'est une légende, rien n'est confirmé, mais peut-être c'est juste. Un secret qu'il a emporté avec lui. Ah, ok, oui. Alors, Karl Lagerfeld a laissé derrière lui des archives colossales, des croquis, des lettres, des idées de collections jamais dévoilées. Même après sa mort, une partie de son univers reste secrète, comme s'il avait voulu garder un peu de mystère pour l'éternité. Alors, Karl Lagerfeld, un génie, un excentrique ou un peu les deux? Une chose est sûre, il a marqué la mode avec un style inoubliable et une touche d'humour. Passons maintenant à notre grand couturier, Christian Dior. Un couturier qui croyait au destin, le papa du célèbre New Look, et qui était aussi un grand rêveur et un superstitieux convaincu. Je ne sais pas si tu as entendu déjà des choses qu'il a fait un petit peu au-delà de normal, on va dire. Non, je ne connais pas du tout cet aspect-là. Alors, je vais te raconter. Tout a commencé par une étoile. Un soir d'avril, en 1946, alors qu'il hésite encore à se lancer, Dior trébuche sur une étoile métallique, une de ces étoiles du berger tombée d'un fiacre, juste devant l'ambassade du Royaume-Uni. Pour lui, c'est un signe du ciel, une bénédiction. Il la ramasse, la garde comme un talisman et décide, sur le champ, d'ouvrir sa maison de couture. Et devine quoi? Cette étoile ne l'a plus jamais quittée, devenue même un symbole pour toute la maison Dior. Mais ce n'est pas tout. Avant chaque défilé, Dior avait ses petits rituels. Il touchait du bois, glissait un brin de muguet séché dans l'ourlet de ses robes, sa fleur porte-bonheur, symbole de chance et de renouveau. Et gardait toujours sur lui une médaille de Saint-Christophe, le patron des voyageurs. Dans son bureau, trônaient aussi des pierres, des amulettes et des talismans. Pour lui, tout était signe. Tout faisait sens. Là, on a parlé de Chanel, de son chiffre 5, mais est-ce que tu sais quel chiffre fétiche était pour Dior? Pas du tout. Eh bien, il avait le chiffre 8, son chiffre fétiche. Pour Dior, le 8, c'était l'infini, la prospérité. Alors, il a nommé l'une de ses premières collections, Ligne 8. Il a installé même sa maison dans le 8e arrondissement de Paris et même choisi des dates contenant ce chiffre pour ses grands événements. Mais le plus fascinant, c'est peut-être son amitié avec Madame Delahaye, sa voyante personnelle. Dior ne prenait aucune décision importante sans son avis. Elle lisait dans les cartes, il lisait dans les étoffes. Une alliance parfaite entre l'invisible et le tangible. Elle l'a même aidé à choisir les noms de ses collections, comme la ligne Zodiac ou la ligne 8, une vraie collaboration magique. Dior disait souvent, la mode, c'est aussi une question de magie et de rêve. Et c'est peut-être ce mélange de discipline, d'intuition et de mystère qui a fait de lui non seulement un couturier d'exception, mais un homme guidé tout au long de sa vie par les signes de destin. Alors, et toi Vincent, tu as un porte-bonheur ou un rituel qui te guide au quotidien? Absolument pas. Et toi Lina? Eh bien, moi, j'aime bien changer de temps en temps. Voilà, je me promène, je vois une belle fleur et je me dis, c'est un signe. Bon, après, effectivement, j'en fais rien. Mais ça fait du bien de temps en temps de penser qu'il y a un signe de quelque part. Alors, passons maintenant à Yves Saint-Laurent. Avant chaque défilé, il s'isolait quelques instants, cherchant le silence comme une protection contre la peur de l'échec. Dans sa poche, un cœur doré, talisman, qu'il ne quittait jamais. Il disait souvent que la création ne venait pas de lui, mais passait à travers lui comme une force invisible, comme un souffle. Chez Yves Saint Laurent, la mode était plus qu'un art. C'était une forme de magie silencieuse. Alors, maintenant, Jean-Paul Gaultier, le provocateur élégant, l'enfant terrible de la mode française. Il était fasciné par les tatouages. Il les a intégrés à ses créations comme une seconde peau. Sur les tissus, les collants, les taupes, ils deviennent symboles de liberté et d'affirmation de soi. Sinon, il n'allait pas voir les voyants. Il n'avait pas des objets fétiches. C'est juste vraiment cette passion pour les tatouages. Tatouages qui peuvent avoir aussi une signification dans certaines cultures. Peut-être qu'il s'en est inspiré. Ça. C'est tout à fait possible. Comme il était provocateur, peut-être même il mettait ça sur le tissu, sur les collants, sans dire exactement ce qu'il veut exprimer. Ça, je n'ai pas trouvé à gratter. Et le dernier de qui j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est Gianni Versace. Quand on pense à lui, on voit tout de suite l'or, le luxe, les paillettes et cette fameuse méduse. Son talisman absolu. Mais derrière l'image flamboyante du roi de la mode se cachait un homme fasciné par les symboles, les mythes et même un peu de magie. Gianni Versace a choisi la tête de Méduse comme logo de sa maison, inspiré par les mosaïques antiques de sa région natale en Calabre, Italie. Pour lui, ce n'était pas qu'un joli dessin. Méduse symbolisait la beauté, le pouvoir et la protection. Dans l'Antiquité, elle servait de garde contre le mauvais œil et Versace y voyait une force presque mystique. Il a même fait installer une mosaïque de méduses au fond de sa piscine à Miami. Ça, c'est très original. Avant chaque défilé, Gianni Versace avait ses petits rituels. Il tenait toujours la main de sa sœur Donatella et récitait une prière pour appeler la chance. Il croyait aussi aux signes et aux dates porte-bonheur. Et certains disent qu'il consultait des voyants pour guider ses choix. Pour lui, la mode n'était pas qu'un métier, c'était une forme de magie, un moyen de transformer et d'envoûter. Alors voilà, on a voyagé ensemble à travers les vies de ces géants de la mode et on a découvert que derrière les paillettes, les défilés, se cachaient des hommes et des femmes fascinés par le destin, les symboles et même un peu de magie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Retrouvez-moi Ina, votre conseillère en style sur Radioactive pour de nouvelles histoires où le passé continue d'habiller notre prison. Et n'oubliez pas, la vie est bien trop courte. Alors, osez briller, osez être vous-même et laissez la magie de la mode vous inspirer. Au revoir.